Piste 33. Exercice 1. Villefranche de Conflans est une cité médiévale fortifiée. Il y a des commerces, des cafés, des restaurants. Pour les touristes, il y a aussi des hôtels et un camping. Il y a une pharmacie, mais il n'y a pas de médecin. Il y a une école primaire, mais il n'y a pas de collège parce que le village est petit.